Le fiqh, comme vous aimez étudier le tawahid, car le fiqh, ça fait partie de la religion, d'Allah, azawajal, et ça fait partie de notre aqidah, d'accord? La zakat, ça fait partie de notre aqidah, savoir qu'un musulman, quand il cultive par exemple du blé, et qu'à partir de 5 ousres, il doit donner la zakat, ça c'est une aqidah, d'accord? C'est une aqidah, c'est une croyance. La preuve en est que celui qui dit non, moi je renie le fait que on doit donner la zakat pour le blé, eh bien il vient faire du kufr, parce qu'il a renié ce qui est unanime, sans vraiment aucune, comment dirais-je, divergence entre savants sur ceci, que par exemple la zakat doit être sorti, le blé, une zakat doit être sortie du blé à partir de temps, etc. Donc, toute chose que l'on étudie dans le fiqh, toute chose qu'on étudie dans le fiqh fait partie de notre aqidah, fait partie de l'aqidah du musulman. Donc, quand on étudie le fiqh, c'est déjà d'une, on se remémore la religion d'Allah Azzawajal et la charia, parce que la charia, comme on dit, c'est quoi avant tout, tel qu'on entend dans tous les jours, ben justement, c'est le fiqh de ce qu'on va étudier. Donc, étudier le fiqh, c'est étudier la religion d'Allah Azzawajal, c'est étudier sa aqidah aussi. D'accord? Certains veulent absolument étudier le tawhid, et c'est tout à fait normal, c'est la première chose, mais néglige à côté de ça beaucoup de choses, notamment le fiqh. Il faut savoir. Et il faut comprendre, par exemple, que certains, à force de ne pas étudier, et certains, à force de ne pas enseigner, comme par exemple des imams dans les mosquées, comme il se doit, le fiqh, un minimum, c'est-à-dire qu'on prend un livre, et même si c'est un petit résumé, mais on cite tous les chapitres, et bien à force, qu'est-ce qui se passe? Comme a dit le prophète, comme dans un hadith qu'on avait vu avant, Yadrusul Islam, et ça veut dire, Yadrusul, c'est pas il étudie, mais que l'islam s'efface. Ça veut dire qu'à force de ne plus enseigner et apprendre entre soi, entre nous, les musulmans, la religion, eh bien, ça veut dire qu'elle s'oublie. Jusqu'à ce qu'il y aura un temps où les gens ne sauront même plus ce que c'est que la prière. Ils ne sauront même plus qu'il y a une prière obligatoire, ils ne sauront même plus ce que c'est qu'un soujoud, un naraka et tout ça. On rien de billah. Et comment on fait pour retarder ce temps-là? Eh bien, déjà d'une, avant tout, c'est l'arim, talab l'arim, c'est la recherche de la science. Et bien sûr, après, c'est même pas après, mais c'est en même temps, l'amalou bien d'arim, c'est le fait d'agir avec cette science, d'accord? Mais pour agir, comme notamment vous avez, je pense, dû étudier Usul al-Thalatha, qui est enseigné, re-enseigné, c'est une très, très bonne chose. L'arim, qabl al-qawl wa al-amal. Ça, c'est comme c'est l'imam Bukhari, rahimahullah, que l'imam, vous devez savoir ça, a dit dans son livre Sahih. Dans son livre de hadith, hein, il a dit ceci, al-ilm qabl al-qawl wa al-amal, la science avant la parole et l'action. C'est-à-dire qu'avant de parler dans quelque chose et de faire quelque chose, eh ben on apprend. D'accord? Pour ne pas dire n'importe quoi, surtout quand on est dans la région, pour pas dire n'importe quoi dans la région, ou agir et de faire des bid'as. Barakallahu fikoum. C'était juste un petit rappel par rapport à l'importance d'étudier le fiqh et pourquoi. Et surtout dans les moments, par exemple, quand demain, Inch'Allah, on va étudier. Les chameaux, à partir de quand il faut donner la zakat des chameaux? Certains pourront se dire, ou certaines pourront se dire, ouais, mais nous, en France, on n'a pas de chameaux à faire, ça ne m'intéresse pas, tout ça, oh, c'est long, c'est un peu compliqué. Mettez-vous bien dans la tête, et surtout dans le cœur, que vous étudiez la religion d'Allah Azzawajal, d'accord? Et que peut-être, c'est possible une fois, peut-être si vous êtes dans des pays, ben, vous serez amené à sortir la zakat du chameau, ou si une personne a des chameaux, et qu'il ne savait pas que c'était obligatoire, vous pourrez au moins l'informer, etc. Barakallahu fikoum. Et on va faire pareil quand ça va venir pour l'héritage, hein, qui est assez technique. C'est une science que j'aime bien dans le fiqh, qui est très technique. Beaucoup se lassent et désespèrent, entre guillemets, parce que c'est très technique, c'est assez mathématique, mais c'est très important aussi, l'héritage. Al-Mirath, Al-Fara'id. D'accord? Donc, Inch'Allah, le cours là de fiqh est fini, Alhamdulillah, et on va continuer par le cours. Donc maintenant on commence le cours, alhamdoulillah, sur le tawhid, et on va continuer là où on s'est arrêté, et je m'étais arrêté, donc on avait lu, donc je vais juste relire la parole, le petit épître, mon trépide que vous trouvez dans le livre, comme je l'ai déjà dit, al-wajibatul mutahaddimatul ma'rifa ala kulli muslim wa muslima, les obligations qui sont obligatoires et qui incombent à connaître sur chaque musulman et chaque musulmane, c'est-à-dire qui incombent sur chaque musulman et musulmane à connaître, d'accord? Vous le trouvez, cette petite épique qui fait juste une phrase, qui est la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est mort en combien? Est-ce que vous vous rappelez? À quelle date est mort le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, environ? Bien sûr, là vous pouvez, ou là juste avec, ah bah, astaghfirullah, tiens, je viens juste de m'apercevoir de ça, je ne vous ai pas bloqué, donc vous pouvez répondre, vous pouvez écrire là. Profitez-en parce que bientôt je vais interdire tout le monde à écrire. Est-ce que quelqu'un se rappelle, là c'est, vous pouvez écrire, hein, est-ce que quelqu'un se rappelle à peu près au moins à quelle époque est mort le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimullah, barakallahu fikum. Je ne vous vois pas, donc vous pouvez, je ne vais pas dire tricher, mais vous pouvez aller vite fait aller prendre un petit livre de cheikh Mohammed ibn al-Wahhab et voir sa date de décès ou sa date de naissance. Apparemment, vous prenez un petit peu de temps. Il est décédé il y a combien de temps? Il y a 100 ans, 200, 300, 400, 500 ans à peu près? Bon, il n'y a pas la réponse, je vais vous la donner. En 1206 de la Hijra. Et on est en quelle année maintenant? Est-ce que vous savez en quelle année on sait? Vous pouvez répondre là, hein. Est-ce que un de vous ou une de vous peut répondre? On est en quelle année en ce moment? Bien sûr, vous ne répondez pas 2014. Apparemment, il n'y a personne qui répond. C'est pas possible. Il y a certains parmi vous qui doivent savoir en quelle année de la Hijra on est. Bon, bah, je vais pas laisser plus longtemps. Ça va prendre trop de temps. Ah, ah, ah. 1435. Alors, Salam, Balkis, Salam alaikum, wa alaikum salam, a dit dans le 17e siècle. On est environ au 17e siècle. Non, on n'y est pas encore. C'est dans plus tard, 17e siècle. Ibn Yahya Boutros a dit 1435, c'est exact. 1435, Abu Hanifel a dit 1436 environ, exact. Pourquoi je dis exact? Parce que dans quelques jours, je ne me rappelle plus exactement, on va rentrer dans Muharram et donc on va changer d'année. Donc on va bientôt être en 1436. Palmeray, Ismama, Abu Imran ont dit 1435 et Palmeray nous indique qu'on est le 27 Dhul Hijjah. Ça doit être sûrement pas, moi je ne savais pas, Baraklofik, Palmeray, donc 27 Dhul Hijjah. Donc dans quelques jours, on va passer dans au mois du Muharram, donc on va changer d'année. Smahli, et je demande à Smahli de me pardonner si j'ai mal fait, Baraklofik. Il nous faut nous laisser le temps de regarder sur Google, Harry. Exact. plus que 3 jours du mois sacré, exactement. Donc, bah voilà, ça c'était les petites questions. Et maintenant, excusez-moi, je vais vous interdire, comme c'est mon habitude, à ce que vous intervenez. Bien que, mashallah, si jamais, si pendant le cours, il y a personne qui discute entre eux et tout ça, je pense que je vais pouvoir ne pas remettre à chaque fois interdire tout le monde d'écrire, parce que je ne veux, comme vous pouvez le comprendre, quand on vient ici sur ce salon-là, qui s'intitule Institut islamique, c'est comme quand on vient dans une mosquée ou dans une classe de cours et qu'il y a un prof, eh ben, on parle, les élèves ne se parlent pas entre eux et c'est pas le fauda, c'est pas l'anarchie, d'accord? Barakou fikoum. Je pense que vous avez bien compris ça. Donc à la limite, parce que des fois j'aime bien aussi dans un cours faire participer un petit peu, comme par exemple, bon, là on est en quelle année ou quoi. Et apparemment vous avez un bon comportement, Inch'Allah, et donc je vais essayer là de ne pas. De ne pas vous ôter la possibilité d'écrire, mais barakallahu fikoum, comme dans un cours, comme dans une classe ou dans une mosquée, si vous parlez, c'est parce que je vous l'ai demandé ou autre, d'accord? Barakallahu fikoum. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur la notation. Excusez-moi, d'abord la parole du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimallah, qui est décédé en 1206 de la Hijra. Il a dit ceci: Asluddin wa qaidatuhu amran. Le fondement de la religion et sa base. Parce que le mot qarida, ça veut dire soit règle ou base, d'accord? Amran sont deux choses, ou on peut dire aussi deux affaires. Al-awal, la première affaire, c'est quoi? Al-amlu bi'ibadatillahi wahdahu la sharika la. L'ordre de l'adoration à Allah, donc il faut adorer Allah, seul et sans rien lui associer. Virgule, wa tahrid ala dhalik, et donc inciter à cela, virgule, wal mualatu fi, et s'allier dans cela, virgule, wa takfir man tarakahu, et de faire le takfir, on a décrété mécréant, man tarakahu, celui qui l'a délaissé, c'est-à-dire celui qui a délaissé le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Athani, la deuxième affaire, al-inzaru an-shirk fi ibadatillah, donc prévenir, on entend prévenir, donc aussi interdire, le shirk, donc le fait de faire de l'associer à Allah, faire ibadatillah, donc interdire le shirk dans l'adoration à Allah, virgule, wa taghlidhu fi dhalik, donc être âpre, dur, plus ou moins dans ceci, wa al-mu'adatu fi, et donc détester, avoir de l'animosité dans cela, virgule, wa takfiru man fa'alahu, et de faire le takfir, donc de décréter mécréant celui qui le fait, c'est-à-dire celui qui fait le shirk, celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Et on s'est arrêté dans la première annotation. Je vais continuer. Par rapport notamment à Al-Wala ou Al-Barra. Fi Ghazwati Badr, donc dans la Ghazwa qu'on appelle Badr, la bataille de Badr, quand Al-Muhajiru Abahu, le Muhajir, donc celui qui était parti, le musulman qui avait quitté la Mecque pour Médine et qui était à la bataille de Badr, qu'est-ce qu'il pouvait, il pouvait faire quoi? Quand Al-Abar, il pouvait combattre par les âmes son père, ou Abnahu, ou son fils, ou Achahu, et son frère, ou Ashiratahu. Et Ashira, on peut traduire environ par sa famille, c'est-à-dire d'une manière assez élargie. C'est-à-dire que ce n'est pas la famille père et, comment dirais-je, et enfant, mais tout ce qui va un peu plus large, mais qui est plus spécifique que ce qu'on appelle Kabila, la tribu. Mais dans le Mouchikin, parmi donc, ces gens-là, parmi les Al-Mushikin, les associateurs. Wahum Banu Watanin Wahid. Et eux, ils sont les enfants d'une seule même patrie. D'accord? Al-Watan. La patrie. D'ailleurs, dans beaucoup de pays musulmans en ce moment, Al-Watan, c'est Al-Watani. Al-Watani, la patrie, ça va même avant la religion. Fa'abu Ubaidat ibn Jarrah qatala abahu. Donc, comme exemple, ce sahabi qui s'appelle Abu Ubaida ibn Jarrah, qu'est-ce qu'il a fait? Qatal Abahu, il a tué son père dans la bataille de Badr. Il a tué son père, pourquoi? Parce qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il lui avait volé quelque chose, je ne sais pas quoi. Non, pas pourquoi. Parce que pour Allah Azza wa Jal, parce qu'il était en djihad. D'accord? Wa Umaru qatala khalahu. Et Omar a tué son oncle maternel dans cette bataille. Et ça, c'est le summum. Sachez que le summum du Wala wal-Bara dans la concrétisation, c'est le djihad. Combattre pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Combattre les mécréants pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Ça, c'est le summum dans l'application du Al-Wala wal-Bara. D'accord? Et avant le djihad, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle Al-Hijra. Wa huwa tark balad al-kafirin il-balad al-muslimin. C'est le fait de délaisser les pays des mécréants pour les pays des musulmans. Et si possible, tark dal-kufr dal-islam. C'est de délaisser la terre de la mécréance pour la terre de l'islam. Je ne rentre pas en détail parce qu'il y a déjà des variances. Et c'est quoi exactement dal-islam? À partir de quand une terre est une terre dal-islam, etc. Certains, je ne rentre pas dans ce sujet-là. Et j'ai pas envie de vous chatouiller parce que après vous allez écrire sur ceci en disant Dal Islam, etc. D'accord? Mais ça va venir, Inch'Allah, on va y venir, ne serait-ce que dans le FIRC. C'est quoi un Dal Islam avec certaines divergences entre les écoles pour définir ce qu'est Dal Islam? Voilà, maintenant je continue. Je vais citer une parole de deux fils du Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimullah. Qal ibna Mohammed ibn al-Wahhab. Hussein ou Abdullah. Donc, deux des fils du Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, et ces deux s'appellent Hussein et l'autre Abdullah, ont dit ceci. D'accord? Donc, ils ont fait une fatwa, les deux l'ont signé, et c'est ceci. Faman qal la u'adin mushrikin. Donc, quant à celui qui dit, moi, je ne prends pas en animosité les mushrikin, les associateurs. Avant de commencer, excusez-moi, je vais juste bien mettre en. Bien mettre en valeur, bien faire comprendre une chose. Hein. Quand le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ou ceux qui sont venus après, de ce qu'on appelle par exemple Aïmat ou Darwa, les imams de la Darwa, c'est la Darwa du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, quand ils disent le mot mushrik al-mushrikoun, ils ne visent pas les mouchlikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui refusaient l'islam en bloc et qui adoraient les statues comme Lat par exemple, ou l'Uzza, d'accord?